Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le débrief tant attendu de la première saison de Gotham. Nous avions été, comment dire, peu tendres avec la série lors de notre dernière émission, lors de notre dernier débrief que l'on avait fait, et nous avions appelé sur Twitter, via le podcast également, les auditeurs à venir discuter de la série avec nous. C'est ce que l'un d'entre eux a accepté de faire. Nous allons donc discuter aujourd'hui de cette première saison de Gotham, également avec Nib qui se charge du point DC TV chaque semaine. On va commencer dès maintenant, le programme est assez chargé. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 15e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos, rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. The dead will disappear, become ghosts. To honor my friend's memory. I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et donc avec moi ce soir, énormément de monde. Je pensais pas qu'un podcast sur Gotham réunirait autant de monde, je vous avoue. On va commencer avec Elvire. Bonsoir. Arnaud. Salut. Elodie. Bonsoir. Byron. Salut. Et donc Nib. Bonsoir. Et notre invité pour ce soir, Léo. Salut. Bien, allez, 7 personnes. On va essayer de pas trop perdre de temps et de commencer rapidement dans le vif du sujet. Rapidement, histoire de placer un petit peu les personnes par rapport à leur avis sur la série. Je vous propose Cash, on l'a jamais fait, hein. Je vous propose Cash de donner une note à cette première saison et après on en discute. Et on va commencer avec Elvire. Sur 5 la note, excuse-moi. Moins 5. D'accord. Arnaud. Ouf. 0 et demi. Elodie. 1,75. Byron. 2. Nib. Faire taper, je vais dire 3. Léo. 3,5 et j'assume. 3,5 et pour ma part, je vais donner 2. Je vais donner allez, 2, ouais, 2 allez, je vais pas aller jusqu'à 2 et demi quand même, pas la mettre au-dessus d'Avengers 2 non plus. Quelle insulte! Je la mets au même niveau. Arnaud, je remarque que t'as mis un demi-point quand même, ça va, ça t'a pas donc trop. C'est parce que c'est ridicule donc ça m'a fait rire. Non, il y a des choses qu'il a aimé apparemment. Il y a une chose qu'il a aimé apparemment, il a refusé de nous dire quoi jusque-là. Allez, on commence par quoi? Les intrigues, les personnages. Quelle intrigue? Les intrigues? Ça se fait. Le directeur des épisodes. Allez, parole à la défense. Léo. Sur les intrigues générales de cette saison, parce que là on va parler de la saison globale, hein, on va pas. Donc ok. Bah comme pas mal l'ont remarqué, enfin vous aussi d'ailleurs dans le, enfin dans le premier podcast que vous avez fait, c'est qu'en effet Gotham a, c'est vrai, a eu trop souvent tendance à faire des épisodes avec une affaire, enfin vraiment l'affaire de la semaine quoi. Donc rapidement c'est devenu assez répétitif de ce point de vue-là, avec derrière des espèces de fils rouges, que ce soit Bruce Wayne, le Pingouin, Falcon, etc. Et puis bon, cela dit, j'ai trouvé que ça a changé sur la fin, sur les 4 derniers épisodes, ouais les 4 derniers, puisque il y en a eu 3 consacrés à l'ogre et le dernier étant la résolution finale de la saison. Bon, à part le fait en effet que c'était vraiment répétitif, je trouvais que après si on les prenait en soi, les intrigues et les bon, j'avais trouvé ça divertissant, agréable. Bon, pas non, enfin il y en avait peut-être un petit peu moins bien d'autres, mais j'ai trouvé qu'ils gardaient un certain niveau d'intérêt, de divertissement, faisant que notamment que à travers toutes ces affaires de la semaine, même si en effet il y avait un côté répétitif, ça contribuait à ce que je défends notamment principalement sur la série, c'est que je trouvais que la série créait une mythologie derrière Batman, derrière tous les trucs, parce qu'ils repartent un petit peu à zéro, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce qu'on a le droit de spoiler ou pas? Oh oui, on fait ce qu'on veut. Toute la saison, sans toute problème. La saison, on s'en fout. Ok, d'accord. Ouais. Ok, ça c'est en fait. Oui, enfin voilà, la série d'ailleurs, enfin, s'est démarquée un peu quand même de la des canons de la série, de enfin de pardon pas de la série plutôt des comics etc. Notamment on l'a vu au dernier épisode avec Maroni qui meurt alors que bon théoriquement c'est pas maintenant qu'il meurt bon et donc voilà en les prenant une par une elles avaient un niveau de divertissement bon qui pouvait aller de bon à parfois très bon de mon point de vue pas taper et qui contribuait donc à chacun à mettre une espèce de petite pierre à l'édifice tout en donnant un petit peu des petits clins d'œil aux fans de comics, genre l'épisode 5, je crois que c'était le Venom, le fameux épisode 16 avec le fameux éventuellement Joker entre guillemets, avec les Grayson aussi dans le même épisode, etc. Donc de ce point de vue-là, moi j'avais trouvé ça bien. Enfin je me mettais devant mon écran pour voir chaque semaine l'épisode et ça me, je prenais du bon temps. Je sais que Arnaud va me rentrer dedans pour ça, mais enfin je trouvais ça agréable, divertissant. Gotham a vraiment tenté un gros pari en se basant notamment bon on sait que le personnage un peu en avance c'était Gordon et à travers ce prisme là contribua à faire là on t'a perdu là ça y est là c'est bon ouais T'es reparti. C'est pas grave. On va enchaîner avec Nib, qui a un avis un petit peu moins positif, j'ai l'impression, en tout cas notamment sur la fin de saison, avant d'attaquer dans le gros négatif avec Arnaud et sûrement Elvire. Nib. En fait, Gotham, disons que j'ai un avis un peu plus partagé. Ok, comme je rejoins Léo, je dis ils essayent d'instaurer quelque chose, mais ils se plantent quoi. C'est la série, elle est divertissante, certes, mais il n'y a pas vraiment de fil conducteur tout au long de la série. C'est une affaire par semaine, ils essayent de faire quelque chose, mais non, ils se foirent totalement. Il y a juste vers la fin, avec 2-3 épisodes avec l'ogre, où là, ils arrivent éventuellement à faire suivre. Mais non, il y a, à mon sens, comme je disais dans le point TV, il y a juste le pingouin qui a réussi à faire son petit bonhomme de chemin, et encore, la série aurait pu être réduite de moitié, quoi. Mais sinon, non, ouais, la fin m'a carrément déçu. C'est un épisode de milieu de saison et encore, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de clôturage, on s'en fout. Conclusion. Merci. Il n'y a pas vraiment de clôture de fête, quoi. Il y a Gordon qui regarde dehors, ouais, j'ai un couteau, je suis beau gosse. Mais non, sinon c'est tout, quoi. Il n'y a rien. Selina qui, tiens, je suis une méchante maintenant, comme ça, sans raison. Bruce qui pète un câble, c'est Alfred qui va être content de ranger la bibliothèque, mais c'est pas grave, ils ont trouvé la cave. Voilà, c'est ça, ils vont mettre le bouquin dedans. Mais non, j'aime bien, ça occupe, on va dire, mais c'est ça qui est triste. C'est que ça occupe, il n'y a pas de... Voilà, je reste mitigé. Ouais. La question que j'ai envie de te poser, Léo, c'est est-ce que tu lis des comics Batman ? Je n'irai pas jusqu'à dire que tu vois que j'ai tout bouffé, que j'ai tout lu, mais j'ai lu plusieurs comics Batman, oui. Enfin, j'ai une connaissance... au sens basique, peut-être un peu plus de Batman et un peu de sa mythologie et autour. Et de toute façon, après les épisodes, j'allais me renseigner un petit peu sur ce qui pouvait m'avoir échappé, etc. Donc j'ai une connaissance correcte. Enfin, On va lâcher les chiens. Arnaud, Elvire. Moi, je vais bien. Il y a plein de trucs qui m'ont fait réagir, là. Vas-y. Il y a des trucs qui vont vous surprendre, je pense. Alors, vas-y, Arnaud. Alors, ça m'attriste de dire ça. C'est pas contre la personne, mais ça m'attriste de dire ça. Mais je suis plutôt sur un point d'accord avec Léo, plutôt que Nib. Et ça me fait de la peine aussi de dire ça. Mais de dire qu'il y a pas de fil rouge, je suis pas d'accord. Moi, le fait que ce soit un peu procédural, c'est-à-dire avec un cas par semaine, ça m'a pas trop dérangé parce que c'est mélangé avec une intrigue un peu feuilletonnante derrière, avec qui va prendre le pouvoir de Gotham. Après, ça permet de sauter des épisodes aussi. Oui, l'intrigue est intéressante, sauf que c'est mal exécuté, c'est mal fait, et c'est là que c'est décevant. Donc après sur les intrigues il y a rien de vraiment passionnant. Soit les personnages n'évoluent pas, coucou le pingouin. Ah si, il a une évolution, il embrasse sa mère. Selina, ou alors des personnages ont une évolution qui est incohérente. Selina, d'un coup elle est gentille, c'est limite presque la petite amie de Bruce Wayne. Et d'un épisode à un autre, sans explication, elle devient méchante. On ne sait pas pourquoi. Après un relooking d'on ne sait où, peut-être Krishna Cordula qui est arrivée à Gotham et qui s'est dit je vais faire un relooking de Fish et de Selina Kyle, peut-être. Non, elle a pris des conseils avec Barbara dans l'appartement avec Ivy aussi. Ouais. C'est ça. C'est toute la construction de la saison, c'est tellement intelligent, tellement pensé que le truc qui se passe dans l'épisode 12 a des répercussions dans le final, c'est magnifique. Ouais. Je dis chapeau. Sur les intrigues, on a quand même eu un moment dans la saison où on s'est dit, purée, est-ce qu'en fait ça va pas devenir super bien? C'était l'épisode 7. Oui. L'épisode Le parapluie du pingouin, qui franchement, moi, m'avait un peu laissé sur le cul quand on voyait la soupe qu'on nous avait servie pendant 6 épisodes, où on avait l'impression que ça partait dans tous les sens, etc. Et là, il y avait ce petit miracle de l'épisode 7 qui rassemblait toutes les intrigues, qui faisait avancer l'histoire, qui donnait un vrai coup dans le bon sens. Je suis d'accord, mais c'est retombé tout de suite à l'épisode suivant. Après, ça s'est de nouveau éparpillé, et puis ben. Et le problème principal de Gotham, c'est qu'elle a 22 épisodes, alors qu'à la base, la saison 1 avait été pensée pour 15 épisodes. Et du coup, t'as eu ce petit moment d'accélération à l'épisode 7, parce que c'était la mi-saison. Mm-hmm. Et c'était ça qui était bien. Sauf que bon, après, ils sont retombés dans leur travers dès l'épisode 8, donc c'est con. Mais au moins, t'as eu cette petite accélération à la mi-saison, et après la Fox a dit non, on veut plus d'épisodes parce que c'est notre nouveauté qui fait le plus d'audience. Donc on a eu 22 épisodes au lieu des 15 qui avaient été commandés. Et après, j'ai un autre point sur un truc à dire sur l'intrigue, et là c'est peut-être un peu plus positif que ce que je viens de dire. Alors vas-y. C'était le truc que j'ai bien aimé dans la saison. Le truc. Et alors attention, on va avoir fait un jingle spécial pour ça. Le truc qu'Arnaud a aimé dans Gotham. J'ai bien aimé, attention, j'ai bien aimé, ça veut pas dire que c'est oufissime non plus, hein. C'était sympa, j'aurais bien aimé un peu plus de développement, peut-être avec d'autres personnages ça aurait été bien, mais j'ai bien aimé. Dis-le. J'en ai marre. Bah, il fait du suspense. J'ai bien aimé l'intrigue, l'arc autour de l'ogre, hein. Allô? Ah bah là, tu nous as tous perdus là. Là, tu nous as tous perdus là. Mort instantanée, tout le monde, pouf. Allô? C'est quoi que t'as aimé, c'est le côté bondage. C'était inattendu aussi. C'était plaisant d'avoir une intrigue. Alors l'intrigue n'est pas forcément terrible. Les acteurs sont mauvais. Barbara, on a juste envie de la buter depuis 15 épisodes. Milo Ventimiglia, il a prouvé sur d'autres séries que c'était un acteur très mauvais. Mais au moins, c'était plaisant d'avoir une intrigue sur 3 épisodes plutôt que d'avoir une longue intrigue sur 22 épisodes sur qui va gouverner Gotham ou des cas par semaine. Au moins, là, on avait un truc qui était construit sur 3 épisodes. Les deux premiers étaient plutôt intéressants. Ensuite, la suite, non. Mais même, enfin, les deux premiers étaient pas terribles non plus. Mais au moins, c'était plaisant d'avoir un truc qui... Ils ont essayé quelque chose. Il y avait des idées intéressantes par-ci, par-là. Et moi, j'ai beaucoup ri avec le coup de la parodie de Fifty Shades. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Et j'adore Barbara tellement elle est conne que j'ai envie de la tuer à chaque scène. Et qu'elle sert tellement à rien que c'était plutôt intéressant. Ok. Elodie, Byron. Moi, je suis un peu... Vas-y, si tu veux. Byron, toi, t'avais arrêté au numéro 10 et tu as repris pour quelques épisodes pour l'émission. T'as vu lesquels? J'ai vu l'arc avec le Joker. Et j'ai vu le final, ouais. Les finales, mais je les ai vraiment... je pourrais pas être aussi dans le détail que vous, parce que j'ai survolé, parce que j'ai essayé, quoi, mais... Non, mais t'as pas pu, quoi. C'est pas possible. Non, parce qu'en plus, enfin, je suis d'accord avec toi quand tu dis, par exemple, qu'au niveau de l'épisode 7, mais là, c'était... À ce moment-là, franchement, c'est quand tu vois un peu Arrow à côté ou quoi, ou c'est un peu... C'était un peu nul, quoi, on va pas se le cacher. Et tu voyais ce qu'ils avaient fait quand même avec l'épisode 7, le fait de tout regrouper et tout, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de vraiment bien. Voilà, ils avaient vraiment capté le truc du pingouin et tout, et je sais pas, après, non, j'ai regardé les épisodes d'après, et les personnages étaient vraiment embêtants et tout, et non, c'était comme pas Arnaud, possible, vraiment pas possible. Ouais. Elodie? Moi, je rejoins Arnaud sur le point que le gros côté négatif de la série, c'était que ils ont fait 22 épisodes au lieu d'une saison de 13. Ils ont vraiment étendu le truc. Voilà, ils auraient dû faire un truc plus court avec moins d'intrigues, déjà moins d'épisodes avec le cas de la semaine, parce que ça, c'est juste pas possible. Mais je suis pas aussi virulente que vous sur Gotham. Je trouve qu'il y a quand même des choses positives dans la série. Non, mais moi aussi il y a des choses que j'ai aimées. Il y a deux trois choses que j'ai aimées aussi. Voilà, non, mais voilà, je dis pas que tout, parce que la plupart du temps, je me suis quand même fait chier, je les trouve longs, les épisodes, et je pense que c'est vraiment dû au fait qu'ils ont fait une saison longue avec des trucs où on en a juste rien à faire. Et comme, et il y a des personnages qu'ils ont tués, comme le pingouin qui avait un réel potentiel au début, et au final, il s'attourne en, ce que tu disais, c'est qu'il y avait aucune évolution à Arnaud, mais c'est ça, c'est que, il y a pas d'évolution au pingouin, et c'est dommage, parce que le personnage avait énormément de potentiel à la base, et même là, il y en a encore, mais bon, faudrait que, il lui trouve autre chose. Et par contre, un personnage que j'ai beaucoup aimé, je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Nigma, qui malheureusement on voit pas assez, mais j'espère qu'on le développera un peu plus dans la saison 2, qui, je trouve, a un côté très sympathique, ah ouais, ah ouais. entre guillemets, évidemment. Ouais. Je suis d'accord. Et qui lui aussi a un réel potentiel, et je demande juste à ce qu'il soit davantage développé. Moi, j'aime tellement le Riddler que j'ai l'impression d'assister à un viol à chaque fois que je le vois à l'écran. Mais ouais, c'est mon cas aussi. Mais c'est... après, il est ridicule. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il a la mise en scène au moment où le moment grandiose du personnage où il tue le flic, et c'est là qu'il se révèle vraiment. C'était juste ridicule cette scène avec la mise en scène ridicule avec les éclairs à chaque coup de couteau. Mais franchement, on n'a pas vu ça depuis les années 80. Et encore. Ouais, concurrence. En même temps, l'univers filtre années 80. Hein. Bah, on n'arrive pas à le situer dans le temps. C'est oui, parce qu'il garde un truc un peu vieillot. Et ça, un mélange d'époque. Ça me plaît qu'on n'arrive pas à le situer. Mais c'est ça, mais en même temps, Gotham n'a jamais été vraiment situé quelque part dans les comics. Dites-moi si je me trompe, mais enfin, on n'a pas forcément une époque. Bon, il y avait éventuellement le reflet de ce qu'on avait à l'époque, enfin, qui se passait, donc guerre froide et puis après, etc. Là, il y a eu un choix esthétique de Gotham avec ces trucs un peu sombres, parfois les flashbacks, bon, enfin les flashbacks, les travelling et tout. Enfin, il y a un vrai choix de mise en scène que je trouve pas dégueu et qui font que, enfin, on peut, certes, bon, on a discuté pingouin et tout, mais au niveau forme avec cette ambiance un peu ténébreuse, un peu ville tout le temps corrompue, un peu dégueulasse, ou même n'importe quel clodo, on l'a vu dans l'épisode Venom, peut devenir un trouble fête. C'est vachement cool et ça donnait un aspect un peu plus mystérieux, un peu plus, on sait pas trop où on s'aventure et où est-ce que nous on va évoluer et où les personnages eux aussi vont évoluer. Je trouve que c'est une vraie force de la série, ça, indépendamment du fond, hein, donc je parle plutôt là sur la forme. L'univers hein, dans la série, l'univers qui l'entoure est plutôt pas mal et les décors sont bien. Enfin, je trouve que ça représente bien Gotham. Ouais, surtout quand c'est filmé avec une GoPro, c'est super beau. J'ai une petite question, je sais pas si. Est-ce que tu ferais pas référence à l'épisode, celui avec, avec l'ogre à la fin, avec les flashbacks, là? Non, ça non, juste déjà le pilote. La course-poursuite. La course-poursuite dans le pilote, c'était juste infâme. Ah. J'ai une petite question, si vous permettez. Libre. Comment dire? Là, on est d'accord que Gotham, ça fait ambiance un peu vieillot, on voit les décors, par exemple, chez la mère du pingouin, etc. Ouais. Mais, je sais pas pour vous, mais il y a un truc qui m'a perturbé, c'est. Comment ils font à cette époque pour avoir déjà des super téléphones portables? Est-ce que c'est intemporel? C'est intemporel, ils ont mis des éléments de toutes les époques. C'est... Voilà, ils ont mélangé. Ah ouais, mais ça me perturbe, quoi. Moi je trouve ça plutôt sympa. Ça avait été annoncé, hein. C'est intemporel, en fait. C'est pour ça qu'ils ont des téléphones portables, mais en même temps, ils ont des vieilles voitures, parfois. Ils ont une baignoire au milieu de la pièce. Oui, mais ils donnent pas d'époque en soi de la série, mais la série fait un peu reflet quelque part de la société vie réelle, quoi, où tu as oui, c'est aujourd'hui, mais un petit peu aujourd'hui, internet, univers parallèle, quoi. Voilà, c'est aujourd'hui sur Terre 3, quoi. Voilà, Crisis on Infinite Gotham. Elvirs je craque. Elvire, on t'a peu entendu, alors vas-y, c'est ton moment. Non, on m'a peu entendu, mais parce que voilà. Non, allez, on va essayer de s'attarder sur les bonnes choses. Les bonnes choses. Il y en a si peu. Que j'aime bien. Il y en a si peu. Ouais, mais faut pas oublier les mauvaises quand même, parce que là, on est en train de devenir tout mièvre et tout gentil. Il faut quand même pas oublier qu'on a quand même affaire à une daube. On parle. Voilà, vous avez un petit peu résumé. Enfin, non. Ça n'est pas dit. Comment ils arrivent à faire une merde pareille avec un si bon support? Non, voilà. Alors, est-ce que support, tu parles de Ben McKenzie ou Non, je vais parler des comics, s'il te plaît. De Gotham. Même lui, on dirait qu'il en a marre. On dirait qu'il se rend compte, là, parce que l'acteur n'est pas mauvais hein, en soi, mais là, ah non, là avec sa grosse voix, et on dirait que lui-même, il en a marre. Je trouve qu'il y a une évolution. Au début de saison, il y croyait, et après, il a fini par plus y croire. Attends, il a mis une GoPro et des pilotes sur la tête. Hein. Comment ? À partir du moment où il met une GoPro sur la gueule, je veux dire, vraiment, il n'a plus rien à foutre. Non, mais les acteurs sont juste atroces. Hein. Même... Non, je suis pas d'accord, là, Arnaud. Si... Là, attends, Jérôme, l'acteur, je sais plus, Cameron. C'est bon, il apparaît dans un épisode. L'acteur est juste génial dans Shameless. Là, c'est une sombre merde. C'est juste une direction d'acteur de merdique avec une écriture nulle à chier. Ouais, mais donc c'est pas les acteurs le problème. Non, c'est, problème, c'est comment c'est ils sont dirigés. Et l'écriture et la direction d'acteur. Sauf pour Barbara. Pour Barbara, elle, à mon avis, elle, bah, y a elle, pas elle est tout en Barbara, mauvaise. Donc c'est mais, non, mais un mauvais scénario, un bon scénario, que ce soit au cinéma, dans une série, si t'as des très bons acteurs, mais une mauvaise personne pour les diriger et interpréter ce bon scénario, ça en devient mauvais. Et c'est le cas pour Gotham. Il y a des choses intéressantes, c'est mal écrit et c'est mal joué. Parce qu'on leur dit parce qu'on leur donne de la merde à jouer. C'est pas spécialement vrai. Regardez par exemple Bullock. On lui dit de jouer le flic ripou un petit peu genre entre deux eaux. Oui, s'il te plaît. Pas... dès qu'il faut faire le bon truc, le seul truc ripou qu'il a, c'est qu'il prend du fric un peu partout. Sans ouais, vraiment. Enfin, c'est pas mal. Il se mouille pas trop non plus. C'est pas genre le flic à faire du trafic de drogue ou à. Non, il ferme quand même les yeux sur des meurtres et compagnie. Enfin. Voilà, il prend un peu d'argent, mais c'est pas trop ripou non plus. Dès qu'il faut faire la bonne chose, il est là, il dit oui. Si c'était vraiment ripou, il en aurait rien à foutre. Comme tous les flics, il a fermé les yeux sur l'ogre. Il a tué un mec Gordon aurait dû tuer le pingouin. Il roule une pelle à Fishmooney et il l'aide à s'en aller. Il essaye de, au début, il est plutôt dans le genre, j'essaie de désespérer Gordon et juste de rentrer dans le rang. À tous les épisodes, au moins, il fait chier au début, il commence à faire chier. Et après, certes, Gordon le convainc un peu, mais la relation entre un flic un peu vertueux qui arrive dans une ville pourrie, et d'ailleurs, c'est pas vrai, je trouve que Gordon change. Après, ça se voit un peu, ça se voit pas assez pendant une partie de la série, ça se voit plus sur la fin où il est à deux doigts de tabasser un mec pendant l'interrogatoire quand il cherche l'ogre, mais l'opposition entre Ben McKenzie qui joue un flic vertueux qui est toujours un petit peu strict, carré et qui veut rester comme ça et qui veut que la police file droit, et un flic un peu ripou qui lui a d'autres principes, ceux un petit peu de la collaboration, de la passivité, etc., donne un espèce à la fois une espèce de rivalité, en même temps une espèce d'amitié entre les deux personnages, et donne un petit peu ce que Gotham fait, c'est-à-dire j'insiste pas mal sur cette série, c'est que Gotham est un peu une espèce de série un peu carnivore qui bouffe ses personnages, qui les mâche et qui les ressort un petit peu un petit peu plus de façon indigeste. J'aime bien l'image. Pour rejoindre Léo sur une chose, effectivement Bullock au départ, quand il fait des bonnes... C'est vrai qu'Arnaud, t'as raison, il au final, il finit toujours par faire la bonne chose. Mais au départ, quand il le fait, c'est pour sauver son cul. Oui. C'est parce que s'il ne fait pas cette chose-là, ça va lui retomber sur la gueule. Plus la saison avance, plus il le fait pour Jim. Dans ce sens-là, Jim a réussi quand même à le tempérer un peu. Et à l'inverse, Jim a quand même une petite évolution. C'est plus l'ange blanc qui débarque à Gotham au début de la saison. Il a quand même. Mais ça vient d'un seul coup. Il a quand même. Oui, ça vient vite. Ça vient très vite sur la fin. Alors qu'ils avaient 11 épisodes où des fois ils racontent rien, mais rien. Ils sont en long, en large et en travers, du vide. Et ils nous font une évolution en un épisode où ça y est, il devient un petit peu badass. Je sais pas si vous avez remarqué, enfin l'acteur au début sur les 3-4 premiers épisodes, je le trouvais un peu trop mécanique, un petit peu trop coincé. Je trouve qu'il a évolué, que le jeu de Ben McKenzie a évolué sur la saison, et que sur la fin, il était beaucoup plus beaucoup plus fluide dans ses mouvements, beaucoup plus Il est pire. On critique pas Ben McKenzie déjà. je suis d'accord avec Arnaud, il n'y croit plus à la fin lui-même. Il se fait chier. Mais oui, c'est juste mécanique, il sort sa réplique, et puis il passe à autre chose. On le sent vraiment pas convaincu dans ce qu'il fait, en fait. On voit que c'est... Il exagère tout. Je pourrais jouer... Voilà, ouais. Non, c'est immonde, à la fin. À mon avis, c'est intrinsèque à lui. C'est pas tant le projet que lui. À mon avis, il a des problèmes de... Enfin, plutôt voilà, sur les... Non, pour l'avoir vu dans d'autres séries, dans Southland, tout ça, c'est un bon acteur. Non. Oui, c'est un bon acteur. Vous avez dû voir Southland, j'imagine, où il apparaît. New Beach. Voilà, et aussi avant, oui. C'est un bon acteur. Et attends, et juste un truc sur parce que Arnaud avait dit que le pingouin évolue pas. bon, enfin, il embrasse sa mère. Hein. Sa personnalité n'évolue pas, mais sa situation évolue énormément. Sa situation évolue, ça, oui, ça, on est tous d'accord. Mais il tourne en rond. Il va d'un criminel à un autre. Après, il a son bar, mais il sait pas s'en occuper. Au final, I'm the King of Gotham. Ouais, c'est ça. Non, mais là, l'hommage à Titanic, c'était magnifique. Jack, t'es mort. Tellement la punchy. Non, enfin, je trouve, au début, tu vois, c'est un espèce de mec un petit peu timide, un petit peu encore trop renfermé. Je trouve que ce qui fait aussi le jeu de, parce que, bon, alors, attends, une seconde avant de continuer. Vous trouvez l'acteur bon ou pas? Non. Robin Lord Taylor. Mais je l'ai jamais vu avant, donc. Il a des fulgurances. Mais il fait toujours, c'est pareil, il fait, comme le personnage évolue pas, il fait toujours pareil. C'est ça le problème, en fait. Il est peut-être bon, l'acteur, mais on lui donne pas le potentiel de nous émerveiller. Parce que Léo, tu disais qu'au départ, il était un petit peu, un peu coincé, un peu renfermé. Mais dès que tu le secoues un peu, il redevient bien renfermé et peureux, hein. Donc, il ne change pas. Même au départ, il était pas si pas que ça. Il est quand même osé aller voir les flics, à devenir, à balancer sur tout le monde. Oui, son entrée à la fin de l'épisode 2, à la fin de quel épisode où il entre dans le commissariat, là, genre, il va conquérir le monde. Bah, c'est à la fin du 6. C'est le 6? Je sais plus. Mais dès qu'on le secoue un peu, le pauvre petit chou. Je le trouve un petit peu plus sinueux quand même au fur et à mesure de la saison. Je trouve qu'il commence à jouer à la fois, il joue avec Jim, à la fois il mène ses affaires, il mène parfois des meurtres violents. Enfin, je crois que c'est dans les 4 derniers épisodes où il tue un livreur de sang-froid. Mm-hmm. Et, ridicule. Dans le couloir, alors que tout le monde peut le voir. Hein. Coucou, je sors le cadavre sous le bras, je m'en vais avec le cadavre, personne va rien me dire. Bien sûr, c'est normal, hein, tout à fait normal. Je laisse le sang dans le couloir, mais personne ne va le remarquer. Oui, enfin, en même temps, Enigma arrive au commissariat avec 2 valises. Enfin, excuse-moi. Mais... non, mais il y a tellement d'incohérences dans Gotham que... Mais pour Enigma, personne ne... Nib? Non, j'ai juste dit qu'il avait mangé un sandwich. D'accord. Merci. Non, mais je peux juste finir sur le... C'est pour le pingouin, ce que je lui concède, c'est que il m'a un petit peu surpris parce qu'il arrive, c'est quoi le truc? Oui, quand les deux veulent tuer Maroni et qu'au final, c'est manigance quand même, je vais pas dire que ça me surprend, mais il arrive quand même assez fin sans qu'on voit vraiment, en tout cas pas moi, où il veut en venir. Donc ça, je concède ça au pingouin. Mais c'est tout. Le pingouin a quand même un espèce de germe en lui qui, je trouve que l'acteur a réussi à instiller un germe dans son personnage qui fait que le germe se développe au fur et à mesure de la saison. Et là, en effet, il montre un petit peu de potentiel. Il montre qu'il a un petit peu la fille manipulatrice, un petit peu, et un petit peu, mais pas beaucoup, c'est sûr, parce que bon, il a besoin de Butch encore, mais pour la gestion de club, etc. Pour l'instant, c'est un peu pingouin, les origines, et un petit peu plus. Je pense que le personnage a déjà fait pas mal de ce qu'il pouvait faire, mais c'est, oui, certes, tout reste encore à faire. Et avec le potentiel qu'il a montré là pour une saison où on savait pas vraiment si ça allait faire 13 épisodes, puis ça a fait 16 épisodes, puis ensuite ça a fait 22 épisodes, il a montré déjà pas mal de facettes et il a encore à les développer. Mais il a déjà fait une espèce de mythologie pingouin, plutôt avancé. Il a quand même pas mal évolué. Au début, c'était une petite merde, c'était le sous-fifre de Fish Mooney, et de là, il est quand même arrivé à être non seulement à se débarrasser de Maroni, bon, un peu à son insu, mettre Falcone un peu hors jeu et à devenir le vrai roi de Gotham. Donc on verra ensuite dans la saison 2, il faut qu'il confirme. Ça, on en parle de Falcone qui décide oh bah non, j'arrête, j'ai passé ma vie à construire un empire de la plègre, et là non, j'arrête. Je vais aller dans le sud et je vais. On en parle. Tout ça parce qu'il y a deux mecs qui s'attaquent à moi. Les deux sont morts, mais finalement, non, ils ont raison. Je vais aller à la retraite. Hein. Surtout qu'il voit qu'il y a Gotham, il y a la police qui est prêt à le soutenir pour dire tu es le moins pire. Donc reste. Oh bah non, j'en ai marre. T'es le moins pire, c'est toi qui est le ciment de Gotham. Et moi, je me casse. C'est pour ça qu'ils veulent l'aider, mais non, je me tire, vous me faites chier, je me tire. Désolé, Gordon, désolé de t'abandonner. Tiens, cadeau, je te file un couteau. Voilà, je te file un couteau en cadeau, et démerde-toi avec Gotham. Le couteau de ton père, quand même, le couteau de ton père, enfin, faut quand même, voilà. Ce qui fait une certaine boucle avec le lieu de la série, c'est quand même pas trop mal amené, vous allez pas... Le problème, c'est que Gordon arrive à Gotham aussi. Si, c'est mal amené. Merci Arnaud, qu'est-ce qu'il a amené? C'est exactement ça. Gordon arrive à Gotham au début parce qu'il est muté ou parce qu'il est nommé dans la ville, mais en fait son père était déjà à Gotham, donc il arrive ou il revient. Déjà ça c'est Non, je pense qu'il devait être autre part, mais qu'il est arrivé. S'il est muté, ça veut dire qu'il était dans un autre poste de police, mais qu'il a été qu'on l'a envoyé à Gotham. Donc je pense qu'il est, il a dû peut-être qu'il est né à Gotham, qu'il en est parti, qu'il en est revenu. Mais bon, ça, après, c'est pas très clair. Mais toi, on s'en fout avec son. Ouais, voilà. On s'en fout un peu. Oui, c'est vrai qu'on a. Ils ont deux scènes ensemble au début et à la fin de la saison. Après, le reste. Bouclé. On pourrait s'attarder plutôt sur Fish. Non. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette conne? C'est clair, elle est même pas foutue de crever correctement. Le jeu de l'actrice, je sais pas, j'avais l'impression de voir un âne avec du maquillage. C'est ça. C'est pas possible. Quelle violence! Non mais attends, sa meilleure scène c'était avec la cuillère. Ah oui. Non, le coup du robot c'était magnifique. C'était magnifique. Le robot. L'œil, robot Patrick? La meuf s'enlève un œil, il y a pas de sang, un œil avec une cuillère. Alors son œil apparemment, son œil ne tient avec rien apparemment. C'est ça. Et elle se l'écrase. Non, on est pour d'accord. Ensuite devenir Bionic Woman avec un œil bionique. Normal. Tout est normal. Et ensuite, entre le 21 et le 22, il manque 10 épisodes parce que elle s'est fait un nouveau relooking, elle s'est rasé la moitié de la tête, elle s'est rajouté des trucs sur la tête, je sais même pas à quoi ça sert. Hein. Pour au final quoi? Rien. Ce qui me gêne plus sur ce passage, c'est qu'elle prend l'hélicoptère pour quitter l'île et qu'elle arrive à Gotham en bateau. Après, Non, il y a discrétion d'arriver en bateau quand même. C'est très discret d'arriver en bateau. Non, ce qui est le plus problématique avec Fish Mooney, c'est quand même qu'elle est blessée au flanc en partant de l'île et que là, elle revient bien. Ça, c'est sûr, c'est, j'ai pas trop compris l'espèce d'ellipse. Non, c'est pas le plus problématique avec Fish Mooney. Non, mais c'est Fish Mooney le problème, je pense. Avec les médecins, et que ça n'apporte rien. Fish part avec un handicap qui est, elle n'est jamais apparue nulle part dans les comics. C'est un personnage inventé qui est là pour. C'est pas un désavantage, ça. C'est au contraire, c'est un avantage. Oui, parce pour que moi, elle est libre. Pour faire de ce qu'il fait du personnage et de nous surprendre. Oui, enfin, en même temps, on a bien vu que même les personnages du comics font ce qu'ils veulent avec. Oui, non, mais c'est justement, c'est un personnage fort et intéressant qu'ils auraient pu utiliser. Une femme forte qui veut elle aussi avoir de grandes ambitions et contrôler Gotham autant que les hommes. Pourquoi pas? Elle a le droit, hein. Et le personnage était super intéressant. C'était intéressant qu'on n'ait pas que des hommes, justement. Mais au final, elle ne sert strictement à rien. Elle se fait défoncer la gueule comme une sombre merde, comme est la série. Et l'actrice n'arrive vraiment pas à gérer son personnage. Je suis désolé, mais c'est juste ignoble dès qu'elle apparaît dans une scène. C'est juste, je te fixe du regard, je fais la méchante. Bah en même temps, avec ses yeux... Il a raison, Arnaud. C'était intéressant d'avoir dans Gotham une femme qui est là et qui ne parle pas chiffon. Parce que les scènes avec Barbara, avec Catwoman et Poison Ivy, tout ça. Voilà, à part Fish Mooney, qui était la seule femme forte et qui était intéressante, les autres femmes, elles parlent chiffon. Ou alors elles sont amoureuses. Et elles vont se faire enlever par le méchant ogre parce que Jimmy va dire gna gna gna. Voilà les femmes de Gotham. Les personnages féminins de Gotham, bon, après, bon, si on accepte Lee Tompkins mise à part, parce que bon, évidemment, elle sera avec Gordon, bon, et elle a pas vraiment de trucs en plus. C'est vrai que, ça, on est tous d'accord, Barbara, c'est peut-être le personnage le plus mal écrit qui soit, complètement raté, inintéressante, elle joue mal, les intrigues, enfin, elle a une espèce d'importance, et là, pour le coup, je suis d'accord, tu vois, elle débarque pour jouer les utilités par rapport à l'intrigue de l'ogre. Et bon, voilà, ok. Catwoman, elle apparaît, elle disparaît, elle réapparaît. Enfin, Catwoman, Selina Kyle, bon. Oui, mais à la rigueur, c'est dans son personnage d'apparaître, de disparaître. Oui, non, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais c'est-à-dire qu'elle vient, elle repart, elle vient, elle repart. Et en effet, elle devient méchante. Bon, tu vois, on peut imaginer que Fish Mooney lui a fait une offre, machin. Bon, ok. Mais parce que de toute façon, tous les gosses de Gotham sont aussi derrière Fish Mooney. D'accord. Mais voilà, Selina et Barbara, bon, ok. Mais Fish Mooney, bon, après, l'actrice, la Jada Pinkett Smith, a fait un choix d'interprétation qui est notamment sur la voix suave, le un peu le déhanché tout le temps, le truc. Bon, c'est un choix, on aime ou on n'aime pas. Au début, c'est vrai que j'avoue qu'au début, ça m'agaçait un petit peu. Après, c'est devenu un peu plus intéressant avec la série. L'intrigue du Dollmaker était plutôt pas trop mal, même si parfois ça pouvait s'éloigner de Gotham, mais parfois, bon, ça pouvait perdre un petit peu. Ça a duré 2 épisodes pour au final, on n'apprenne rien, que ça ne sert à rien à l'intrigue. Il y a un œil. Et on en parle des effets où elle s'arrache l'œil. J'ai trouvé que c'était une vraie surprise. On s'y attend pas sur le moment à ce qu'elle fasse un truc comme ça. Bah, c'est sûr, parce que c'est, ouais, c'est tellement hyper. Mais justement, mais derrière, ils lui remettent un œil dès le lendemain, tu vois. Et alors, en plus, aucune cicatrice, tout va bien, elle et voit. Et puis elle se lève. Non, mais il y a tellement d'incohérences dans Gotham. Si tu veux faire la liste, on y en parle. Et puis, matin. Je vous rappelle. On en parle des effets spéciaux pourris où là, ils sont censés avoir, le mec est censé avoir des membres de femmes. C'est pourri. C'est pourri. C'est un moyen de pression et tout. C'est pas le truc sur lequel je vais clasher le plus. Mais non, mais moi je te parle pas du moyen de pression. Pourquoi pas? Je parle du fait qu'on voyait clairement que c'était des effets spéciaux. On voyait presque le fond vert. Tellement c'était moche. Vous avez pas remarqué? Pour moi c'était immonde. J'ai pas regardé ce passage. Pour... J'ai dû dormir. Hein. J'ai pas regardé cet épisode. C'est hein. L'épisode que j'ai sauté peut-être. Oui, c'est l'épisode 18. Mais je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu. Moi non, je l'avoue sans honte, je n'ai pas vu le 18. Hein. On va revenir au juste deux secondes au reproche que je faisais sur le pilote où j'avais été fortement déçu par le fait qu'ils avaient introduit énormément de personnages, trop de personnages de la mythologie de Gotham et que ça ne servirait à rien. Et moi j'étais en désaccord avec toi. Et justement. Que ça ne servirait à rien sur la série, etc. La suite de la saison m'a donné raison parce que Poison Ivy a. Quand est-ce qu'on l'a vu faire quelque chose? Ouais, c'est vrai. Bah, Poison Ivy, elle est un peu venue faire les utilités. Et puis... Si c'est pour en faire ça, si c'est pour en faire une plante, à la rigueur, la blague est facile. Avec Barba. Mais, autant ne pas la mettre. Bah, c'est, ouais. Ah, c'est si seulement il y avait qu'elle, parce que toute la saison, c'est un long fan service qui ne sert à rien. Red Hood, ils étaient juste inadmissibles de faire ça au personnage. Ouais, la chaussette rouge, c'est inadmissible. Le Joker, mais quelle honte! On sait pas si c'est lui encore. C'est une honte absolue de d'écrire un tel épisode, de proposer ça, mais c'est juste inadmissible. C'est le pire, je crois que c'est le pire épisode que j'ai dû voir de la saison. Je suis d'accord avec toi. C'est une insulte suprême, même à la télévision, j'ai envie de dire. Mais n'importe quoi, mais alors là, je trouve que c'est un peu trop virulent. Allez, vas-y, Elodie. C'est pas le pire épisode qu'il y avait, au contraire, je trouve que c'était l'un des meilleurs. D'accord aussi. On va perdre Arnaud. Je démissionne. Non, mais pour un épisode où t'as une intrigue dans l'épisode qui se résout, je trouve que c'était pas l'un des pires. J'ai envie de dire, juste pour résumer cet épisode, j'ai juste envie de résumer cet épisode par une phrase. Le serpent qui retrouve les cadavres. Comment tu expliques une telle atrocité? Non, mais pourquoi un chien ça le ferait, pas un serpent? Le chien est entraîné, lui le serpent il est pas entraîné à faire ça. Ça s'appelle de l'instinct, Arnaud. Ça m'étresse. C'était quoi de mettre ce fan service? Ça, Jérôme. Alors, Jérôme, rien que ça. Je trouve même plus mes mots tellement je suis énervé. Tous les clins d'œil, on va dire, au Joker, entre le mec qui passe une audition dans le club, Jérôme, Red Hood et plein d'autres. Je sais plus ce que j'ai envie de dire. Je m'énerve tellement que je sais plus ce que je veux en dire. Série de merde, voilà. Il y a tellement de fanservice qui ne sert strictement à rien. Mais à rien. C'est juste pour dire coucou, on a les droits de Gotham, on a les droits de Batman, c'est Gotham, ça se passe à Gotham. Batman va arriver. Alors regardez notre série si vous aimez les films de Nolan et si vous êtes fan de comics. On va bien vous entuber avec des épisodes qui ne servent à rien. Non, mais ce que je te disais, c'est que c'est normal, c'est Gotham, c'est une série qui est censée être un peu les origines de Batman, etc. Donc forcément, ils font des allusions, c'est le but, comme ça, Agent of Shield, ils font des allusions. Et mettre des trucs qui ne servent strictement à rien, ça peut être fait de manière subtile, et là, c'est pas le cas. Mais c'est parce que toi, t'as pas aimé, il y avait des trucs qui étaient pas trop mal faits. Oui, je suis d'accord. Et puis de toute façon, le fan service est pas nécessairement obligé de s'inclure dans un truc. Tu vois, tu peux faire des trucs coucou, voilà. Bon, après, on aime, on n'a pas. Pas dans chaque épisode. Non, mais enfin, tu vois, enfin, ils peuvent pas faire Gotham sans faire un peu de fan service. Tu vois, Flash fait la même chose, Arrow fait la même chose. Oui. C'est dans chaque épisode et c'est juste comme dit Arnaud pour dire coucou. Non, sinon tu prévois 3 saisons et puis là tu nous les développes. Tu les mets pas juste coucou. Je sais pas. Peut-être si qu'ils vont faire ça. Hein. Dans un épisode, il y a une référence à Hush quand même. Ouais. À quel moment? Oui, avec son meilleur ami. Bah quand le gars, ouais, Bruce, le mec qui le tabasse, qui tabasse Bruce à l'école, ouais. Là. Ah voilà, oui, c'est ça. Et il le retrouve devant chez lui, bam, allez, je te fais une droite. Et quand on cherche le nom du personnage sur internet, on se dit, ah merde, c'était Silence. Mm. Ah bon, d'accord. Ah ouais, c'est tout. C'est tout. Là, c'est pas mal, pas mal. Ah bon, d'accord. Ouais, mais là, ça s'est fait de manière subtile et intelligente. Et c'est un truc pour introduire le personnage qu'on reverra plus tard, peut-être. Espérons. Oui. Est-ce que là, pour c'est reparler de Jérôme Mais le Joker, c'est genre, coucou, il y a le Joker là, coucou, il y a le Joker là, puis il y a encore le Joker. On vous voit, vous voyez, il y a le Joker, hein, c'est Batman. Et puis à la fin, si on n'a pas compris, on va le faire rire comme un taré pour dire, allez, c'est vraiment le Joker. Personne n'avait compris. Vous avez compris, c'est le Joker, hein. C'était mal fait, putain. Mais au final, ce sera pas lui. Mais quand tu connais pas, je suis désolée, mais quand tu connais pas, tu lis pas les comics, entre autres, bah tu sais pas tout ça forcément, hein. Ah oui, je pense qu'il y a vraiment ça, hein, dans l'appréciation qu'on peut avoir de la série. Je pense qu'il y a vraiment ça. Il y a le lecteur très connaisseur de Batman et de son univers qui va confier la série, il n'y a pas d'autre mot. Et puis il y a l'autre lecteur, peut-être plus occasionnel, ou peut-être le non-lecteur de comics qui va aimer parce qu'il va se sentir réconforté parce qu'il reconnaît des choses. Il faut des trucs pour que les gens reconnaissent, mais ça excuse pas l'exagération. Pareil avec Enigma, on a bien compris qu'il était bizarre, et la dernière scène où là il commence à entendre des voix et à rire comme un taré, mais on avait déjà compris qu'il allait avoir En plus, le Riddler, c'est pas un taré qui entend des voix, c'est débile de faire ça. Le Riddler, il est brillant, il est machiavélique, il est incroyable comme méchant. Enfin, on avait compris qu'il avait une tendance à aller vers le côté méchant, mais là ils en ont fait quelqu'un de comme le pingouin qui est ridicule. Il est pas comme ça dans le comics. Le pingouin, il est censé être impressionnant. Il doit faire peur. Le mec, il boite comme une merde. Il faut comprendre qu'il tremble avant de lâcher les comics. C'est ça en fait. Si on lui souffle dessus, il tremble. Mais c'est ça. Puis sa coupe de cheveux, c'est quoi cette horreur? On va rester tranquille parce qu'on va devoir conclure quand même pas tard. Je voudrais. Excuse-moi, Mathieu. Juste ce que je trouve avec le ce que tu dis comme fan service, exagération, machin. Après moi j'ai trouvé ça super le plan avec le Riddler qui est un petit peu schizophrène et tout, parce que bon, de mon point de vue, hein, excuse-moi Mathieu, je sais que bon, peut-être que t'aimes beaucoup le Riddler et tout, mais par rapport à ce que j'avais dit en début de podcast, Gotham refait une mythologie, refait un truc et s'appuie sur les références qu'on a habituellement sur le Joker, le Pingouin, Maroni, Falcon, etc. Mais de plus en plus s'en détache. Et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine progression. Après, enfin, ça commençait avec un petit début timide, un peu on se base sur des fondements un peu solides qui sont donc l'assassinat des parents de Bruce, et à la fin Maroni qui se fait tuer de sang-froid par Fish Mooney, la symbolique quelque part entre un personnage inexistant dans les comics qui en tue un, qui est censé quand même, Maroni est quand même celui qui balance de l'acide à la gueule de Harvey Dent, et donc qui en fera par cela double face. Je trouve que c'est un premier aboutissement sur le fait que bah oui, mais si vous vous attendiez à une adaptation fidèle de Batman, de son univers, de son background, etc. Il faut le prendre autrement. J'ai trouvé, et de là vient ma seconde idée, c'est que Gotham a fait aussi par l'univers de Batman, etc. C'est appuyé sur cet univers pour faire une série policière qui a qui est un petit peu atypique, un petit peu original, et qui se détache de d'autres séries policières plus classiques telles que NCIS, Brooklyn Nine-Nine, etc. J'ai trouvé que ce genre de projet de à la fois se détacher des comics et à la fois proposer une série policière un peu originale, c'était vachement bien. Moi par exemple, je suis lecteur occasionnel de comics plutôt. Je suis pas un grand bouffeur de comics, j'en ai plusieurs chez moi, mais je suis pas un grand lecteur. Mon meilleur ami est un fan de Batman, connaît énormément de choses, il a lu tous les grands comics, enfin bref. J'en discutais avec lui parce qu'il s'est mis à Gotham, je pensais qu'il allait me sauter dessus, m'arracher les yeux comme Arnaud quoi. Et en fait, tu vois, il trouvait la même chose, c'est-à-dire que Gotham refait sa mythologie, l'assume. Bon, il y a des passages qui sont ridicules, tels que l'œil de Fish Mooney qui part. Mais après, ça, à la limite, c'est pas ce qui me choque le plus. C'est-à-dire que dans les comics, regardez, il y a un comics qui est, alors je sais plus lequel exactement, mais le Joker se fait arracher la peau du visage, quand même, et se la rattache. C'est la cour des hiboux, hein, c'est ça. C'est le Detective Comics numéro 1 en 2012. Il se découpe lui-même le visage pour un moment où il s'échappe de d'Arkham et il laisse son visage derrière lui. Voilà. Et alors il se le recolle après même ensuite sur la gueule. Ça aussi c'est pas réaliste, tu vois, tu verrais jamais ça. Il y a un côté un peu comics aussi. Non mais tu peux pas. Là, attends, juste une seconde. Le Detective Comics c'est la cour des hiboux. Hein. Tu n'as oui, pas le droit. Il y a un côté. C'est pas le réalisme qu'on critique, c'est pas le réalisme, c'est aussi le fait, les exagérations. Non, mais il peut y avoir des exagérations, mais enfin, dans les comics, tu vois, enfin, quand tu vois notamment cet exemple du Joker, il y a aussi des exagérations de ce côté-là. Il y a un côté un peu comics live sur, comme l'était Avengers aussi, côté Marvel, hein, j'ai trouvé. Enfin, c'est des trucs que tu pourrais adapter en comics et en dessin, ça me choquerait pas, ce serait même plutôt pas mal et ça ferait un nouveau regard sur Gotham, ses origines, sur ce qui a été fait. Bon, là ils ont choisi notamment de mettre Gordon qui est un peu le flic vertueux face à cette espèce de Chronos qui est Gotham qui bouffe ses habitants, notamment Block, notamment. Voilà. Je me posais la question justement, je comprenais absolument pas le rapport dans ta critique. Cette phrase-là, je la vois vraiment pas, le rapport avec Gotham. De Chronos, tu veux dire? Oui. Bah, ça, j'assume complètement. Je trouve que Gotham est une espèce de Chronos qui bouffe un petit peu ses enfants et qui les recrache complètement, beaucoup plus formalisé. Enfin, juste la métaphore, tu vois, reprend les personnages et les recrache à sa sauce. Ouais, recrache comme ça. Et le symbole, c'est Bullock. Tu vois, le mec, il est arrivé, on l'a fait tuer, bon, il est jamais descendu de sa ligne directrice. Gordon est le premier qui s'oppose un petit peu à ça, et c'est un peu une espèce de truc David contre Goliath. Bon, c'est gentil, parfois c'est un peu classique, parfois on peut reprocher quelques exagérations, certes, aussi. Tu vois, avec le recul, c'est vrai que je suis pas complètement en désaccord avec vous sur le Joker, même si, bon, voilà. Mais en soi, il y avait un projet ambitieux, un projet un peu assumé, et Gotham, enfin pour moi, se peut sentir avec des louanges et avec des honneurs. Tu vois, enfin, je dirais pas jusqu'à tout critiquer, parce que si on prend chaque détail comme ça, bon, on n'arrivera pas à grand chose. Et tout ce que Gotham, c'est vertueux à faire, on n'en reconnaîtra pas complètement le mérite. J'ai pas envie de. Et justement, c'est pour ça que j'ai envie de donner une seconde chance à Gotham, voir si elle peut encore plus relâcher son potentiel, aller encore plus loin côté Pingouin, côté Enigma notamment. Côté aussi Gordon, il y a encore pas mal de choses à faire et sur ce projet qu'ils ont eu, j'étais plutôt séduit, donc j'espère que ça continuera encore mieux dans la saison 2. Ok, eh bien Léo, tu m'offres la transition parfaite pour la conclusion, puisque je voulais vous demander à chacun si oui ou non vous reviendrez en saison 2 à Gotham, si oui pourquoi, sinon pourquoi, et après on conclura cette émission. Elvire ? Sens du devoir et Ben McKenzie. Donc oui, tu vas revenir. Je vais le premier épisode, après, est-ce que je vais tenir, ça me donnerait, mais pour sens du devoir. Oui. Arnaud ? Alors, malgré tout le mal que j'ai pu dire, faut préciser que j'avais bien aimé le pilote. J'ai même, je crois, l'un des rares à le défendre contre toi. Faut pas l'oublier. Mais vraiment, là, la déception est tellement mauvaise que j'ai envie de m'arracher les yeux. Là, faut vraiment le gars le dire. Je crois que je préfère crever plutôt que de regarder la suite. Mais donc là, je dirais non. Mais après, savoir s'il y a encore des fulgurances parfaites comme le coup du Joker, là, que je vais m'énerver si je regarde ça. Donc, a priori, non. Mais okay. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Élodie ? Honnêtement, je sais pas du tout. Ça va dépendre si j'ai le temps. Et selon mon retard sur les autres séries. Qu'est-ce que ça sera le bouche-trou. C'est un peu ça. Byron ? Non, pas du tout. Non, comme Arnaud, je trouve ça. En même temps, t'as déjà abandonné depuis un petit moment, toi, donc. Ouais, non, c'est pas possible. J'aime pas du tout. Je trouve que c'est vraiment pas réussi. C'est vraiment pas crédible, vraiment. Ouais. Nib, on sait que tu reviendras puisque tu nous proposeras l'année prochaine pour la deuxième saison le point DC TV. Mais est-ce que sans ce point DC TV, tu serais revenu à Gotham ? Absolument, ouais, j'aime bien. Comme je dis, ça m'occupe. Ok, voilà. En faisant le ménage. Hein. Non, mais non, c'est pas ça. Mais j'aime beaucoup la série. Il y a des trucs qui m'ont déplu, c'est vrai. Il y a des choses qui m'ont plu moins. Comme coucou, le meurtre des parents de Bruce, qu'on a abandonné l'idée. Mais non, ça se regarde, oui, franchement. Moi, je regarderais. Léo, je te pose la question quand même. Bah oui, moi je reviendrai, j'attends encore des trucs de cette série et j'espère qu'ils vont tenir la ligne directrice qu'ils se sont fixée. Ok. Franchement, si je n'avais pas à présenter des podcasts sur la série, je ne reviendrais pas à Gotham, tout simplement parce que quand on achète une licence, quand on achète des noms, des personnages, eh ben, au moins on les présente. Ou alors on continue à faire mentaliste et on s'abstient. C'est la Fox, j'ai envie de dire. Oui, non, non, je pense que c'est surtout Bruno Heller qui est... Voilà. On n'en a pas parlé, mais je pense que le à part Fish Mooney, le problème de cette série, c'est quand même Bruno Heller. On n'a pas parlé de du final. Il y en a pas, c'est chose normal. À dire. Parce que... Ouais, se passe des trucs, mais tellement inadmissibles dans ce final. Il y a pas... C'est pas la dernière scène. Mais la dernière scène, qu'est-ce qu'il y a, cette dernière scène, là? C'est pas... Vous c'est allez pas nous le relancer alors qu'on arrivait sur une conclusion tout doux, là. C'est une transition, vite, une transition. On avait une belle transition, là. Oh. Allez, de toute façon, on n'arrivera pas à tous être conciliés sur cette série. C'est comme d'autres séries ou d'autres films, voilà, récemment. C'est pas grave, on verra l'année prochaine ce qu'il en sera. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la série via Twitter, via Facebook, par mail également si vous le souhaitez, redac@comicstories.fr. C'est comme ça que Léo nous avait contacté pour nous proposer de venir discuter avec nous de la série. Léo, merci. Mais avec plaisir. De la proposition et d'avoir participé. Merci à vous pour l'invitation, ce fut enrichissant et plein de vie et plein de trucs. Plein de cris aussi, n'est-ce pas, Arnaud. plein de pulsèrements d'Arnaud aussi. Exactement, ça restera une des grandes émissions de cette même saison. Pour Power, c'était pas comme ça. Pour Power, je n'avais strictement rien à battre, ouais. Mais là... Là, tu étais touché au cœur. Alors, on va donc conclure et se redire les rendez-vous des prochaines émissions sur nos écrans ce week-end. Sur nos écrans ce week-end, n'importe quoi. La Padawan édition ce week-end reviendra sur les 75 ans, un petit peu plus même, de l'histoire de DC Comics. Nous prenons une pause d'une semaine du côté des podcasts pour mieux se retrouver dans 2 semaines avec le mag, évidemment. Sur nos écrans numéro 16, dans 2 semaines, sera consacré au débrief de la saison 2 de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Et nous aurons donc avec nous, pour l'occasion, Mulder, puisqu'il a rédigé le point Marvel TV pendant toute la saison. D'ici là, bonne série, bon film, bonne lecture, et à la prochaine. Au revoir. Salut.